Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo concernant la prochaine pleine lune du 18. Donc ce sera un mercredi 18 septembre 2024. C'est une pleine lune qui va se produire à 25 degrés du signe des Poissons et à, on va dire, à 2h36 GMT, donc à 4h36 en France et dans les environs. Alors cette pleine lune en Poissons, elle va être particulière. Donc d'abord, évidemment, le soleil, quand elle se crée, le soleil est en vierge, bon anniversaire à toutes les vierges, et la lune, elle est en face, en poisson, c'est une opposition soleil-lune sur le zodiaque, et c'est vrai qu'elle est ici nommée à cette période de l'année, un peu avant l'équinoxe d'automne, la pleine lune des moissons. Alors ce 18 septembre, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien ça va être à la fois une super lune et en même temps une éclipse de lune, une éclipse partielle de lune en tout cas. Et donc, une superlune, c'est quoi? Tout d'abord, on dit superlune parce qu'à ce moment-là, la lune, elle va apparaître plus grosse, plus lumineuse que d'habitude. Et c'est un phénomène qui se produit au moment, en fait, où, au moment de la pleine lune, eh bien, la lune, elle est à son périgée, c'est-à-dire le point de son orbite qui se trouve au plus près de la Terre. N'oubliez pas que la lune, elle tourne autour de la Terre, non pas en rond parfait, mais en ovale. Et donc, il y a des moments où elle est tout près de la Terre, et des moments où elle est très éloignée. Et ici, au moment de la pleine lune, elle va être près de la Terre. Et en même temps, donc on dit aussi que cette pleine super lune, ce 18, elle va être une éclipse lunaire partielle. Pourquoi? Eh bien, une éclipse lunaire, elle se forme à chaque fois que la lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Donc vous avez le Soleil au milieu, la Terre et ensuite la Lune qui se trouve derrière à ce moment-là. Et donc la Terre, elle va apporter une ombre à la Lune. Si vous étiez sur la Lune à ce moment-là, eh bien vous ne verriez peut-être plus du tout le Soleil en fait, qui serait caché par la Terre. Et donc cette configuration, elle se produit uniquement donc quand la Lune, elle est en opposition avec le Soleil. Et ici, c'est une éclipse partielle parce que l'astre qui éclipse l'autre ne le bloque pas, on ne bloque pas entièrement la lumière. Donc la Terre ici, dans cet angle-là, elle ne va pas complètement bloquer la lumière du Soleil. Donc en fait, vous allez avoir une ombre sur la Lune. La Lune ne va pas être toute noire. Il va y avoir l'ombre de la Terre qui va se projeter sur la Lune. Et ce sera surtout au niveau supérieur de la Lune. Et en France, eh bien, ce moment d'éclipse lunaire partielle sera normalement, vous verrez au mieux en France, aux alentours de 4h45. Donc, eh bien, à vos lunettes, à vos télescopes, n'hésitez pas à aller voir, levez-vous, mettez votre réveil. Et puis, astrologiquement, eh bien, bon, si une super lune, en général, ça n'agit pas beaucoup en astrologie, une éclipse, c'est un petit peu plus important. Disons que une éclipse, souvent, qu'elle soit solaire, qu'elle soit lunaire, elle annonce un événement plus important ou un état d'esprit un peu plus appuyé. Voilà. Alors, cette pleine lune en poisson, elle a le pouvoir d'intensifier vraiment notre intuition, aussi de peut-être de nous apporter une grosse révélation. Et donc, c'est vrai qu'elle nous invite aussi à faire le point sur nos réussites, sur nos succès, mais aussi sur nos erreurs, afin de rétablir l'harmonie autour de nous, avec les autres, avec notre environnement. C'est le moment aussi de nous réconcilier avec notre passé, de pardonner éventuellement et d'aborder l'avenir avec beaucoup de sérénité. Et donc, si je regarde le ciel, vous l'avez dans le coin ici, la carte du ciel précisément, donc de cette pleine lune, super pleine lune et éclipse partielle lunaire du 18 septembre 2024, eh bien, on voit que la pleine lune en poisson, elle est conjointe à Neptune et elle est bien reliée en même temps à Pluton et à Uranus. Donc là, on a Neptune, Pluton, Uranus liés à la lune, qui à la pleine lune, soleil et lune, qui forment entre eux de bons aspects, des aspects positifs. Et donc ça, c'est quand même important parce que ces planètes-là, Neptune, Pluton, Uranus, ce sont des planètes lentes. Donc quand elles forment des aspects entre elles, eh bien c'est plus rare, c'est beaucoup plus rare que pour les planètes rapides comme Vénus, comme Mars, Mercure, etc. Donc ici, c'est important et comme c'est positif, eh bien cette éclipse apparemment augure quelque chose de plutôt positif. Alors normalement, avec ces symboles là on peut imaginer que vraiment cette pleine lune, cette éclipse va vraiment décupler nos ressentis, notre intuition, mais sans pour autant nous laisser vraiment dépasser par nos émotions. On va garder quand même une certaine analyse, un certain sang-froid, et ça, c'est bon pour agir et ne pas se tromper. Donc, c'est vrai que cette lune, elle nous offre donc la possibilité d'aller sur les bonnes pistes, et elle nous donne du flair, elle nous permet aussi de décrypter des codes, de résoudre une énigme, pourquoi pas, si nous en avons une à résoudre, un secret à dévoiler. Alors, donc le 18 autour de cette date aussi, on devrait vraiment avoir les outils en main pour avancer, pour évoluer, quels que soient nos projets, nos buts. Et c'est vrai qu'au moment de cette pleine lune et le lendemain, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un triangle de trigone, donc aspect très favorable, entre le soleil qui est en vierge, entre Uranus en taureau et Pluton en capricorne. Et donc ça veut dire que si vous regardez bien la carte du ciel, se dessine un cerf-volant bleu entre un triangle de trigone et également l'autre aspect qui forme un petit triangle avec les planètes importantes, et on a un cerf-volant bleu au moment de cette éclipse lunaire et super pleine lune. C'est quand même étonnant. Qu'est-ce souvent ce symbole? Il indique une protection, il annonce un événement plutôt favorable, important. Il indique que quels que soient les événements qui vont arriver par la suite, eh bien il y a une protection et on va s'en sortir, et ça nous fait évoluer favorablement. Donc c'est plutôt sympathique. Alors moi je dirais, quel est le conseil du coup de cette pleine lune qui nous donne du coup aussi de l'énergie, de la volonté, de l'audace, et qui augmente notre rayonnement? Eh bien c'est le moment, moi je dirais, de méditer, d'écouter vraiment notre voix intérieure, puisqu'on est quand même en poisson. Et c'est le moment aussi d'aller vers notre première idée, comme on dit, la première idée est souvent la bonne. Il faut écouter aussi, donc écouter notre intuition. Il faut également être à l'écoute de nos rêves, parce que pendant cette période-là, eh bien, nos rêves peuvent être beaucoup plus importants, peuvent nous transmettre des messages qui sont de véritables prédictions, des conseils. Et il pourrait être utile aussi donc pour nous apporter un éclairage dans notre psychologie, dans notre évolution personnelle, ou vraiment nous annoncer quelque chose dans les événements à venir. Et c'est vrai que du coup, c'est vrai que certains d'entre nous qui sont très très intuitifs et d'autres qui vont jusqu'à des dons de médiumnité, eh bien c'est le moment justement que vous allez vous rendre compte que vos pressentiments sont les bons, vont s'avérer. Donc, écoutez tout cela, soyez ouverts, ouvrez votre esprit et appelez vraiment les énergies de cette super pleine lune et éclipse afin de vous en imprégner et de lui demander de vous apporter une solution à un problème, un questionnement. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une super pleine lune et éclipse lunaire. À bientôt !